Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd. Je critique les foules, comme de fait. Et pour tous ceux qui écoutent souvent l'émission, ouais, je critique. Mais je t'aime d'abord et avant tout, foule. Alors, je suis avec toi et je vérifie si c'est humainement plaisant d'être entouré de toi pour assister à un spectacle ou tout autre événement qui se passe en foule. Cette semaine, ouais, je suis beaucoup dans l'anecdote. Bien personnel, parce que c'est toujours ça, Critique de Crowd, mais vraiment, c'est une fin de semaine, c'est un vendredi soir tout à fait rempli d'anecdotes et surtout de rencontres impromptues qui ont fait que mon parcours de spectacle a pris des tournures inattendues. Ben oui, un peu par hasard, j'ai décidé d'aller voir Disquiet Army avec Owe dans le cadre de Suoni Peripopolo et sinon par la suite, ben tout plein d'autres contenus de Crowd que je te laisse en surprise. Mais sinon, on va commencer en musique avec Fouki et c'est quasiment avec la Crowd, encore une fois, qui influence, mes choix musicaux aussi. Parce que le 2 juin dernier, j'étais au Marché de la Poésie dans le cadre du Festival de Poésie de Montréal. Ça se passait dans une grosse tente, juste en face du métro Mont-Royal. Si tu n'étais pas curieux, c'est ça qu'il y avait dedans. Et il y avait le merveilleux chanteur des Abdis Gradationnistes. J'ai bien hâte de vous passer bientôt, le bientôt étant très large, mais bientôt quand même, des chansons des Abdis. Mais on a jasé de musique. Et il m'a dit que ses enfants aimaient beaucoup Fouki et je lui avais admis que oui, on en passe à CISM, mais c'est pas un artiste et encore moins de ses albums que j'avais beaucoup écouté. Alors, à la suggestion de ses enfants, bien implicitement, je me suis dit, vas-y Jolaine, va écouter du Fouki. Et la première qui se retrouve sur aux plateformes Spotify, c'est la chanson Gayer et je la trouve bien sympathique. Alors, c'est pour cette raison-là, de façon bien estivale, je trouve qu'elle sent le soleil. On va l'écouter Gayer de Fouki sur les ondes de CISM. On est gaillé, on est braillé, on est batté, on a fumé toute la journée, on est basé, on est poqué. On est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé. On est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé. On est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé. On est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé. On est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé, gaillé. On le fait ta jambe aussi ben trop high. On le fait dans la chambre, dans le fond, dans toute la caille. Café club, spliff matinal, blabla et lettre qu'on en parle time. Une petite chandelle à l'odeur de brico. Un bon massage avec la crème au vino. 5 minutes plus tard, puis j'ai un sale que clico. Même si c'est fini, moi j'ai qu'on reste amigo. On a baillé un 7, j'en ai pas fait 5. On a parlé sexe, j'ai pris les deux seins. Des fois j't'un timbre, yeah. J'te scène des becs, faut t'envoyer des teintes. Fais pas la babonne, 2, 3, tu reprends la forme. Café devant la fenêtre, Tibero. Quand y'a devant Seigneur des Anneaux. Mais oh mamma mia, pourquoi j'ai pas les coronas pour te dire. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mamacita. C'est plus qu'elle enlève ton chandail. Away up, n'en rappe de chambre. Même si pas ta taille, on pop le champagne. Même si pas ton dingue, qu'on pop le chanvre. Yeah. Always on my mind quand j'parle but. Always on my mind même si j'parle but. Always on my mind quand j'me vire les couilles. Chacun sur son grind, mon sale coude. Tant que la vie est belle, même son billet vaille. J'ai pas le goût de me plaindre, mais j'ai pas le goût de me taire. On est batté, on a fumé toute la journée, on est basé, on est poqué, on est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé, on est gaillé, gaillé, gaillé. Mes vagues, faut que je consomme. On est pas pressé, mon calme, mon gueule. On sait bien s'aimer, on se fout comment on se comporte. On est tous soir, donc des vagabonds. Chuck tout en deux secondes, puff tout en un con. On a pas besoin de décompte, non. Il n'a zéro stress quand on fait les cons. Ben trop high sur le bord de la plage. Check mes shirts qui ont des motifs de vache. Ami, trop soin, mais beaucoup trop swag. Est-ce qu'on est bien quand on bang dans le lac? Pop comme Molly pendant que je pop le champagne. Fuck Trigo Gun, je n'y pis quand je me gambade. Fuck la bébine, moi je comboive du bon vin. Si je prends une photo, je vais être avec un dauphin. Soleil, soleil, je veux du soleil. Fuck le sommeil, je grille en bedaine. Fuck le pollen, je prends des petites pilules pour les allergies. Fait qu'il n'a pas de problème. Tant que la vie est belle, même son billet est vert. J'ai pas le goût de me plaindre, j'ai pas le goût de me taire. On est gaillé, on est praillé. On est batté, on a fumé toute la journée, on est basé, on est poqué, on est gaillé, gaillé, gaillé, gaillé, on est gaillé. Hey baby, t'as entendu de l'album Praise Fouki et sa chanson Gayé, et vous écoutez Critique de Crowd. Et pendant que j'écoutais Fouki et que de façon presque hebdomadaire, je fais de jolies stories pour Zoé Prota que vous pouvez retrouver sur le Instagram de CISM, je vous suggère fortement d'aller les écouter. C'est toujours le fun comme Critique de Crowd. Mais j'étais en train de me dire, Colin, Jalen, t'es en train de pas parler du festival de poésie. Je n'y étais pas, mais j'ai quand même quelques anecdotes crowdiens durant le marché. Ben oui, le rapport kiosque et gens qui veulent peut-être potentiellement acheter de la poésie. Mais j'étais chez nous et j'ai trouvé plus important de vous partager une anecdote qui date exactement de la semaine dernière, parce qu'en m'en venant à la station, ben oui, de Hochelag à CISM, ça me fait un petit trajet, et il s'est passé vraiment une conversation, tu sais, vraiment impromptue, vraiment inattendue avec quelqu'un de l'autobus. Et ça m'a beaucoup réconciliée avec peut-être les propos que j'ai eus la semaine dernière durant le Devastation of the Nation, émission que je vous suggère bien évidemment de réécouter ou d'écouter tout simplement si tu l'as manqué. Mais où il y avait eu des petits désagréments de foule, ces maladresses sociales, cet entêtement à sociabiliser quand tu vois que les gens sont pas intéressés. Et j'ai l'impression que la semaine dernière, j'ai vécu exactement, c'est ça, un beau moment crowdien que je nous souhaite tous. Alors voilà, mais comme t'auras bien compris, je suis assis dans l'autobus et chose à savoir, c'est que je suis quand même concentrée avant mon émission parce que j'en lis mes notes. Et là, je suis en train de préparer l'émission, tu sais, que vous écoutez en ce moment. Et là, il y a quelqu'un qui, est assis à côté de moi tout d'un coup. Puis là, il me pointe mes feuilles, fait qu'il veut savoir ce que je fais. La première chose que je trouve bien intéressante dans l'anecdote, c'est que c'est le rapport avec les écrans. Ben oui, si j'avais pris mes notes sur mon cellulaire puis que je le regarderais juste sur mon téléphone, ben ça ferait pas d'interaction. On est tellement habitué de voir les gens prostrés devant leur écran, écouter la musique, regarder l'actualité, qu'on va pas les déranger nécessairement, à part si tu vois que la toune, c'est genre ta toune préférée puis t'as envie d'en jaser. Mais il y a un rapport de curiosité au papier. Peut-être pas quand on lit un livre, mais je peux te le confirmer quand je suis dans la crowd durant un spectacle puis que j'ai décidé de pas prendre des notes sur mon cellulaire puis je suis revenue old school avec mon papier puis j'écris mal. Donc, presque toujours, on va me dire « Qu'est-ce que t'écris? Pourquoi? Que se passe-t-il? » Ça pique vraiment la curiosité. Tandis qu'en spectacle, si je vais avoir mon téléphone cellulaire, ça, c'est moins systématique que je vais avoir des commentaires parce que justement, on est habitué que les gens vont faire des apartés à ce qu'ils font pour répondre à des messages, pour se divertir parce qu'il manque de divertissement. Ben, ouais, souvent, je me le fais remarquer, genre « Ah, lâche ton sel puis regarde le show. » Puis j'ai « Ah! » Bon, comme, pas leur expliquer que je prends des notes parce que je regarde le spectacle. Puis ce serait un peu sans fin. Reste qu'on a un drôle de rapport entre tous les médiums qui ne sont plus de l'écran. Et voilà, je suis avec mes papiers et je lui explique que c'est pour mon émission. Et la conversation continue. Et sans que je le réalise sur le coup, on ne parle qu'en signes. J'ai eu une conversation de l'autobus jusqu'à la ligne bleue, jusqu'à CISM, avec une personne sourd-muette. Et moi, en tant que bavarde entendante, je m'en suis comme pas rendu compte. Parce qu'on n'était pas en train de mimer littéralement des choses. C'était d'une gestuelle très organique pour avoir une conversation. Et c'est sûr qu'avec son habilité de communiquer de cette façon-là, il me l'a comme partagé. Fait que j'ai pu pouvoir parler un peu à sa façon. Sinon, peut-être que je me serais sentie piégée dans « Oh mon Dieu, comment je dis telle chose? » Et c'est drôle, on a vraiment une conversation qui est passée d'un sujet à l'autre. Déjà, en partant, il faisait super chaud la semaine dernière. Puis on était tous les deux en pantalon, puis on se dit comme « Pourquoi on a mis des pantalons? Il fait beaucoup trop chaud! » Et ensuite, il m'a montré son épicerie. Il dit « Ah, j'ai faim, j'ai hâte d'aller manger. » Juste à temps qu'il me dise que... qu'il était en plein Ramadan. Et là, c'est le moment où, oui, l'écran peut toujours servir à une conversation, puisque Ramadan ne s'explique pas super bien en signe, voyez-vous? Fait que l'écrire, ça gardait comme une certaine forme de fluidité dans la conversation qui, sinon, peut-être ça m'aurait pris un petit peu de temps à le comprendre, tu sais. C'est un petit peu moins évident. Et quand il y a eu l'arrivée de gens à qui on n'a pas parlé, mais c'était vraiment des voyageurs avec leur gros sac à dos. On s'est mis à parler de voyage. J'ai dit « Ah, je suis allée en Europe », puis compter un peu ses aventures outre-mer. Et c'est genre de moment, tu sais, on dirait que tu sais pas comment te séparer de ce genre de conversation-là. T'es comme, t'as vécu un moment, tu sais, avec quelqu'un de purement inconnu que tu reverras peut-être pas, mais Montréal, c'est petit, fait qu'on sait jamais. Et ça a été des salutations plutôt courtes, mais c'est tellement, je sais pas, comme ce genre de moment qu'il faut se permettre en tant que, je sais pas, utilisateur des transports en commun, mais aussi en tant que résident de la métropole. Je dis ça parce que souvent on m'a dit que, ah oui, tu es une trifluvienne et les gens de région sont plus sociables. Et ceci est faux ou vrai ou quel préjugé étrange, parce que à venir de Trois-Rivières, nous, on se fait dire qu'on est snob à Trois-Rivières. On est snob, puis on parle à personne, mais dès qu'on sort de Trois-Rivières, hop là, et là, on devient social, puis on est donc ben smart. Je suis comme, ben voyons, quel rapport opposé, tandis que c'est juste le fait que je sois née dans une ville mauricienne. Mais c'est toujours le rapport de proximité, ou peut-être que le fait qu'on se trouve des points en commun. Ah, genre de région, ah ben là, tu trouves des points en commun. Ah oui, toi, tu viens de tel coin, puis blablabla. Encore une fois, c'est les points en commun qui font en sorte que le monde devient petit, et que des fois, on entend même cette phrase, ah, Montréal, c'est un village. Ben effectivement, si tu tripes sur le grindcore, tu risques de connaître une couple de visages, une couple de personnes quand tu vas au spectacle, parce qu'il n'y a pas un million de fans. Et je pourrais dire la même chose pour des domaines professionnels précis, tous ceux qui fréquentent le même bar. À un moment donné, le monde est petit par ce qu'on fait. Je veux dire, peut-être que cette personne-là, on ne s'est pas présenté, mais peut-être que je vais la recroiser parce qu'on a même le même trajet maintenant, mais que ça ne l'était pas auparavant. T'sais. C'est quoi le hasard? C'est plutôt comme comment nos quotidiens s'imbriquent dans celui de d'autres personnes qu'on croise ou qu'on ne croisera jamais. Je trouve ça bien fascinant, notre beau rapport avec la foule et justement la ville, les transports en commun et particulièrement Montréal, ce cher village. Et pour moi, il va l'avoir été quand même en quelque sorte vendredi dernier, comme je vous disais, que de rencontres, que d'aventures. Et ouais, en même temps, c'est Montréal parce que c'est une métropole, puis il y a assez de gens pour en croiser, parce que si ça avait été dans un vrai village, je crois qu'il y aurait eu beaucoup moins de surprises dans ces mésaventures. Bon, arrêtons de parler d'autant de vous teaser. On va commencer cette critique de crowd qui commence sur la rue Saint-Laurent, parce que je m'en vais voir Disquiet Army avec Away. Mais avant... Ah, ben oui, à chaque fois que je parle d'autobus, faut absolument que je mette genre les connards à l'orange puis l'autobus ou Rouge Pompier avec la chanson. Et oui, autobus. voir sauter de bon bord. Rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi, pourquoi t'es pas dans l'autobus. Rappelle-moi, Jess Fush. Oui, Autobus de Rouge Pompier sur leur album Chevy Chase, Critique de Crowd sur les ondes de la marge. Et oui, ben écoute, je suis allée au Suoni Paris-Popolo et je réalise... Oui, oui, je suis comme, voyons, franchement. Ben oui, franchement, à chaque fois que je vous fais les suggestions de la semaine, j'oublie, genre, les spectacles que j'ai moi-même envie de voir, que j'ai marqué dans mon agenda, puis je suis comme, ben voyons, pourquoi je l'aurais pas suggéré? Ça prouve que, ouais, que je suis un peu perdue, et d'où la raison que j'ai un agenda papier, parce que je l'écris, et là, je me dis, ah oui, je vais m'en rappeler, au lieu d'avoir un rappel sur mon téléphone, ah, ces écrans. Mais ouais, bref, vendredi, c'était le tout début du Suoni Paris-Popolo, ça dure 3 semaines jusqu'au 19 juin, et en quelque sorte, on pourrait bien dire que le spectacle de Disquiet Army, et oui, ouvrait le festival puisqu'il y avait 3 shows ce soir-là, dont le leur à la Vitrola. Mais parlons un peu de Suoni Paris-Popolo parce qu'on le connaît, mais est-ce qu'on le connaît assez bien? Jamais assez. Parce que, hein, j'ai appris tantôt, ben oui, recherche. Ça m'a permis de savoir que Suoni Paris-Popolo, ça veut dire en italien les sauts pour le peuple. N'est-ce pas joli? Complètement. Et sinon, ben, c'est organisé par la Sala, et la Sala n'est pas juste que la Sala Rossa, mais c'est aussi une organisation, la Société des arts libres et actuels. Et comme j'ai dit, 3 belles semaines à écouter tout genre musical. C'est très varié comme programmation. Ça va tout le temps comme du free jazz, l'impro, l'avant-rock, le noise. Il y a toujours la moitié de la programmation qui est canadienne. Et sinon, c'est des petites perles rares qui sont là, ici et là, dans les différents lieux, mais surtout à la Casa, la Sala et la Vitrola. Et maintenant aussi, je pense au sous-sol de la Casa. J'ai appris en fin de semaine qu'ils ont comme rénové le tout et qu'il se passe des spectacles. C'est à suivre pour des critiques de crowd, ça c'est certain. Moi, le truc qui me fait surtout capoté du Suoni, c'est à quel point, à chaque fois je regarde la programmation, je suis excitée parce que déjà, leur dépliant, non, c'est comme un cahier, c'est un livre, c'est une œuvre d'art, c'est tellement beau. Là! Non, mais pour de vrai, vous irez vous en procurer un, là, de toutes ces couleurs rosées et bronzes. Tu vois la programmation, tu vois les artistes, c'est très, très beau. Et surtout, je suis toujours comme ça, je suis comme, oh mon Dieu, je ne connais aucun groupe. Ça... Me semble que j'en ai ma CISM, me semble que j'essaye de me tenir au courant de ce qui se passe, puis à chaque fois que je cabote, je me dis, mon Dieu, je connais rien. Je regarde la programmation du Suoni, puis je suis comme, oh non, je connais personne, sauf Disquiet Army et Away. Away, ben oui, Michel Langevin, de son beau nom. Ben oui, membre de Voivode. Et vous l'aurez peut-être vu durant le Red Bull Music Academy il y a 2 ans, puisque dans la soirée drone, dans une espèce de loft que je suis jamais retournée, parce que je pense qu'ils donnent jamais de spectacle là-bas. Mais ça avait été une expérience merveilleuse, sauf le fait que je l'avais complètement manqué. Ben oui, je suis arrivée après, fait que j'étais triste. Et pour moi, ça a vraiment été l'occasion de me dire, ah mon Dieu, je peux revivre ce moment que je me disais, ah, je suis arrivée en retard parce que je ne pouvais pas arriver à l'heure et je ne pourrai jamais le revoir en cette solo, ça arrive jamais. Ah, faux. Alors, à mon plus grand plaisir, je savais qu'il était en spectacle à la Vitrola dans le cadre du Suwanee. En passant, il y a bien des spectacles aussi qui sont offerts hors saison. Je pense entre autres et je risque d'y être si encore une fois je le mets dans mon agenda de Body avec Big Brave le 4 juillet prochain. Il va y avoir aussi un que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je connais pas du tout le groupe. Ils sont en lancement d'album, mais à Trois-Rivières, il y avait un band, genre il y a 10 ans, qui s'appelait Un, puis c'est les anciens de Jardin Belcanique. Je m'en souviendrai toujours de leur lancement. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai l'occasion de vous en reparler sur les ondes de la marche de ce spectacle marquant. Et sinon, le 28 juillet prochain à la Salle Rossa, il y a Rational Youth. Et ça, je trouve que c'est une très belle occasion d'aller en écouter. Alors, allons entendre Pile ou Face de Rational Youth. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment musical avec Rational Youth et la chanson Pile ou Face. Vous écoutez Critique de Crowd. Oui, ça ne serait tardé pour une critique de crowd. Mais déjà, la foule a un impact, ben oui, sur mes décisions. Parce que vendredi dernier, c'était tour de nuit. Ah, il y en avait de la rue fermée, hein. Il y en avait des vélos. C'était très beau à voir. C'est une très belle foule. Félicitations. Vous êtes en forme. Plus que Critique de Crowd. Un jour, peut-être. Mais d'ici ce temps-là, il faudrait que je change de vélo parce que le mien, j'ose jamais... Ah, oh mon Dieu, j'ose jamais genre de changer de vitesse tellement, un, il est vieux. Deux, j'ai aucun contrôle quand je change de vitesse. Je suis comme, ah! Puis je vis des dangers, là. Fait que, bref, d'ici ce temps-là, je vous regarde faire et je vous trouve beau. Et, ben, l'autobus fait des zigzags, justement, dans tous ses détours et toutes ses rues fermées. Et je me rends finalement à la Vitrola avec 40 minutes d'avance. Chose que... j'haïs ça à attendre, j'haïs ça à attendre. Puis j'avais décidé un peu sur le fly d'aller au show. Je suis tout seul. Puis là, je me dis, ah, 40 minutes à attendre, ça m'allumait pas trop. Et dans le ratio, je croyais que c'était un spectacle si exclusif durant le Red Bull Music Academy. Je me disais, peut-être jamais 203. Fait que je suis en train de partir puis me dire que ma soirée va se terminer avec une belle tisane chez nous pendant qu'il fait super chaud. Tu sais, question d'entretenir les chaleurs à l'intérieur de mon corps et à l'extérieur de mon corps. Qui ne tombe... Boum! Qui je vois? Que ça m'atterrit comme ça, drette dans ma face, dès que je tourne Saint-Laurent et Mont-Royal. Ah, le monde est petit. Un cher comparse, joyeux mélomane, ami d'amis et surtout grand amateur de Disquiet Army. Et il s'en a pas pris 2 secondes et dit « Hey, Jolene, tu t'en vas voir Eric! » Parce que oui, les fans de Disquiet Army, ça, sont pas juste fans, sont très proches de l'artiste, fait qu'ils l'appellent toujours Eric, qui, oui, est le nom aussi du one-man band derrière Disquiet Army. Ouais, je me permets de dire One Man Band, parce qu'avec le nombre de pétales qu'il y a, même s'il y a juste une guitare, c'est beaucoup d'instruments. Enfin, ben oui, ça a été comme très, très spontané, déjà comme invitation, mais aussi comme, ben oui, le fait tout simplement de croiser quelqu'un dans la rue, mais complètement changé le trajectoire et de mon chemin et de ma soirée. Je m'enlignais là pour une soirée tranquille, là, pas de critique de crowd partout. Et je me suis dit, ah! Je suis due pour aller voir Disquiet et d'aller voir Ewa en spectacle, demi-tour pour un merveilleux spectacle. Je suis bien heureuse de ce revirement, vraiment, vraiment, parce que j'espère qu'ils vont en faire d'autres spectacles. Oui, comme ça, ça a été un moment assez incroyable. Oui, j'ai hâte de vous en parler davantage, mais ben c'est les publicités, fait qu'on se revoit dans pas long. Classique en famille sur écran géant, quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Venez célébrer l'été lors de la 30e édition des Franco de Montréal. Dans le cadre de la programmation extérieure gratuite, voyez sur scène Claude Pelgag et l'orchestre du Temple Thoracique de retour pour un spectacle chargé d'émotions. Rap Keb All Stars pour une soirée 100% rap québécois. Aussi sur scène, Dead Obies, La Fourmilière, Emmanuel Looper et plus encore. Un party à ne pas manquer du 8 au 17 juin. Pour toute information, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec la Presse Plus et CISM. Qui dit Franco de Montréal dit aussi la Foire des Franco. Et oui, c'est le retour de la Foire des Franco pour une 5e édition présentée par CISM. La Foire des Franco, c'est un marché aux puces où il fait si bon de fouiner, échanger et encourager nos artisans locaux. Au programme, musique, art et mode, avec près d'une centaine d'exposants, des DJ sets de CISM, des journalistes Émilie Perrault et Monique Néron et Dubert Lenoir, ainsi qu'Anatole comme artiste invité. Bière, ping-pong, mini-golf et hot-dog seront au rendez-vous et mieux dans tout ça, l'accès est gratuit. Samedi 9 juin de 11h à 19h à la place des festivals. Le Festival international Nuit d'Afrique, l'événement incontournable des musiques du monde, vous donne rendez-vous à Montréal pour sa 32e édition. Retrouvez plus de 700 artistes du monde entier du 10 au 22 juillet pour un voyage musical planétaire. Profitez de nos forfaits spectacles et découvrez toute la richesse de notre programmation sur le festival nuitdafrique.com. Célébrez l'été à la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal. Sur scène, Moses Somney et son alliance subtile de folk, de jazz et de blues. La musique électro du jeune DJ français, Môme. Une soirée 100% hip-hop avec le duo torontois Calm Down, Nate Husser, Zach Zoya et Naya Ali. Une soirée tout en douceur avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra. Bien en vente maintenant sur montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec la Presse Plus et CISM. Découvrez le monde de Gorillaz en concert. La tournée de Now Now 2018, le mardi 9 octobre au Centre Bell. Bien en vente demain à midi au 1-855-310-2525 ou sur eventco.ca. Le nouvel album de Now Now en vente dès le 29 juin. Pour plus d'infos, visitez gorillaz.com. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Disquiet Army sur les ondes de CISM. Je suis quand même fière de moi de vous en avoir passé, j'allais dire une toune, une toune complète de Disquiet, parce que pour ceux qui le connaissent, des tounes de 20 minutes, ça aurait pas pu passer à la critique de crowd. J'aurais jamais eu le temps! Alors, quelle joie d'entendre un beau 2 minutes complet de sacrifice, chanson, instrumentation, bref, ça se retrouve sur l'album The New Bible, Critique de Crowd. Ben oui! Suite de cette aventure avec Disquiet Army à la Vitrola vendredi dernier, j'arrive là-bas et quel contraste de température! La climatisation se faisait aller, merci, alors j'étais étendue. Oui, je me prenais comme ça à beach, mais dans le noir. Il faisait bien, bien noir dans la vitre là. L'espace était séparé. On voyait pas la deuxième scène, celle qui est sur le côté avec, mais à côté du bord. Non, alors c'était un peu plus étroit. Ça pouvait, il y avait pas énormément de gens. Alors ça a été bien pensé pour qu'on se sente pas trop dans l'air climatisé. On pouvait être un peu plus proche, sentir un peu plus la chaleur humaine. Et aussi, on pouvait peut-être déjà sentir que ça n'allait pas brasser le camarade là-bas parce qu'il y avait des tables d'installer sur le côté de façon comme quasiment discrète. Là, il était comme collé sur le mur, puis il y en avait juste 4. Mais elle est arrivée quand même à l'avance. Elles étaient tous occupées. Il y avait quelques personnes qui voulaient s'asseoir à terre. Finalement, ils ont trouvé des chaises. Mais on voyait que les gens s'assoyaient pas trop par terre, sauf moi qui s'étends comme si j'étais à la plage. Mais pas que ça m'a surpris, mais pour ce type de prestation-là, j'ai envie de prendre mes aises. Ben oui! Tu sais, être confortable pour apprécier le tout, parce que je te l'apprends déjà, il se passe pas grand-chose dans une foule de drones. Les gens sont attentifs, les gens, ils sont à l'écoute, ils vivent quelque chose, mais c'est bien à l'intérieur de nous. Alors, de façon extérieure, tu pourrais toujours danser, tu pourrais toujours vivre, il y a bien des possibilités, mais non! Ça se passe pas beaucoup. Et bref, être debout, ça aurait été le cas de la plupart de la foule. Ben, en tout cas, bref, c'est juste parce que c'est pas ce que... Moi, est-ce que j'aurais peut-être préféré? mais je m'accommode et je fais un peu comme tout le monde. Alors voilà, Disquiet commence tout de suite après la première partie, Tempest House. C'était intéressant, plus électro par contre, mais on voyait pas une incongruité entre la première partie et ce qui allait s'en venir. Chose intéressante, il y avait quand même une grosse distance, et je pense même plus grosse entre la première partie des Disquiet, entre la crowd et la scène. Faut dire que son set est quand même assez proche aussi de l'avant-scène. Il est penché sur ses pédales, sur tout son matériel qu'il manie comme ça, bien penché aussi. J'ai l'impression que c'était pas du tout une forme de gêne, cette distance-là. Peut-être juste pour avoir une bonne vue, parce qu'être collé sur lui, ça aurait pu... tu manques une certaine partie du spectacle. Mais aussi, justement, par respect de pas être trop proche de lui, que ça devienne quasiment intrusif. Fait que, ouais, mais je trouve ça intéressant qu'une distance soit aussi grande, mais que les gens soient fervents de l'artiste. Oui, oui, parce qu'à Montréal, je trouve que les fans sont fans de Disquiet, et comme je vous ai dit, ils aiment Eric. Ce qui est intéressant aussi, c'est le type de mélomane, puis là, c'est encore plus marqué. Oui, on pourrait le voir dans n'importe quel show, finalement. Il y en a qui trippent sur le son, fait qu'ils veulent être proches de la console. Mais je trouve que pour ce genre musical-là, c'est peut-être un peu plus marqué parce que tu vas voir la crowd bien crowdée en avant, mais avec comme la distance que je vous ai dit. Et il y a là, il y a le néant. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a personne. Et tu as une rangée complète de personnes bien alignées une à côté de l'autre, droite à côté de la console. Ils veulent le son. Le son. Ils sont, le son en avant, il n'est pas aussi bon. Ouais, mais je veux être proche quand même de l'artiste. Pas non plus nez à nez à lui. Ça aurait été bizarre que quelqu'un se plante devant, tu sais, il bouge pas beaucoup non plus. Mais ouais, d'être aussi loin. Ouais, moi, je suis restée un petit bout avec cette crowd de mélomanes. Et finalement, non, le naturel revient au galop. Et je me suis assise. J'étais toute seule, mais je l'ai assumée un peu de côté pour pas non plus comme prendre un... Ouais, c'est ça, pas me mettre en avant tandis qu'il y avait personne. Personne ne se l'est permis. Fait que je me suis gardée une petite gêne là-dessus. Mais je me suis assise, juste profiter du spectacle. C'est peut-être pas la performance question onde, question vibration. J'ai l'impression que j'ai senti les choses davantage en étant assise que debout ou même loin ou proche. Là, j'ai trouvé que c'était pas aussi fort là-dessus. Mais de pouvoir... ouais, pas penser à son corps, pas être debout, puis pas sentir « Ah, mon Dieu, j'ai mal au cou, puis j'ai des problèmes de dos. » Tu sais, on sent tout le temps nos tensions quand on reste longtemps debout, tandis qu'assis, je trouve qu'on peut être plus décontracté, puis là, on peut être vraiment immersif avec la musique. Durant le set, tranquillement, comme ça, en arrière, dans le fond de la scène, il y a Oui qui arrive tranquillement. Ah! Il s'en va. Et finalement, il va être de retour. Ils vont faire une partie hybride, à la fois lui au drum et lui à ses drones. Oh! Et ça a été, un très beau moment. Et tranquillement, ben oui, il abandonne son matériel, Eric, et il s'en va. Et il a eu le droit à plein de « Wouhou! » Puis plein de bravo. Je trouve ça drôle, les bravos, parce que d'habitude, on entend plus son théâtre et on entend plus son théâtre quand il n'y a pas beaucoup de public. Fait que là, les gens, ils disent bravo, bravo, bravo. Fait que ça me faisait rire qu'on pouvait de verbaliser son appréciation. Peut-être, encore une fois, c'est peut-être un cas de quand la crowd n'est pas hyper nombreuse, on dirait qu'on on verbalise plus. En tout cas, c'est à suivre, cette réflexion-là du bravo dans la crowd. Et sinon, ben voilà, va donner tout un show sans le Voivode. Ben oui, sans le chevalier vampire androïde post-nucléaire. C'est Owe seul, unique, avec son drum, puis c'est bien suffisant. J'ai trouvé ça fantastique, le rapport entre... Le drone, comme je vous dis, je trouve que c'est très... Je sais pas, c'est le moment d'être introvertif, de laisser aller notre imagination ou juste de se laisser guider par les sensations, par... Oui, le flow musical. Tandis qu'un solo de drum, il y a quelque chose de... Je sais pas, c'est fracassant. Enfin, il y a quelque chose d'extroverti. Je sais pas comment te le dire parce que... Ah, la foule, elle l'est pas partout! Non, sauf un. Il y a le fan. Le fan qui... Non, il va pas s'énerver plus qu'il faut, mais il est headbang d'appréciation. Il peut pas suivre le beat, là, par exemple, avec sa tête. Là. C'est comme « Ah! C'est impossible! » Mais oui, lui, il est présent, il est fervent, tout en étant droit, debout, attentif. Mais sa tête dit tout. Sa tête dit comment il est, il vit un moment fort parce qu'il l'attendait de voir Howe en solo. Et c'est, vraiment, c'est quelque chose. T'sais, on peut le voir avec Voivod, on peut le voir avec plein d'autres groupes en ce moment, là, mais je capotais de regarder ses baguettes. Il allait tellement vite que oui, je veux dire, avec la rapidité, notre œil n'est pas capable de voir tout le mouvement, puis ça peut séparer, là, ça fait saccader. Mais c'était pas juste ça! Ça changeait de couleur! Ça allait tellement vite que ça passait de vert à rouge. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est pas juste l'éclairage, il n'y avait pas des grands effets, il n'y avait pas de pyrotechnie, l'ami, là, non pas tout. Fait que... je capotais de regarder ça. Je me disais, mon Dieu, qu'il va vite, il va vite! Et non, il n'est pas juste dans l'excès de vitesse. Il va aussi aller avec des moods plus lents, puis après ça, ouais, il reprend tout en charge, boum, il ramasse toute la crowd. Mais je trouve ça vraiment intéressant comme opposition, le drone puis le drum. C'est comme deux univers qui s'opposent et qui sont complémentaires, qui sont harmonieux ensemble. Mais physiquement, ça apporte pas la même chose. Tu sais, je me dis pas, oh, quelle introspection j'ai eue devant ce solo de drum. Je te dis pas que c'est impossible, mais c'est pas ce que ça m'a évoqué en tout premier. Et ce sera à suivre. À suivre. je vais aller voir des shows de solo de drum et peut-être que je vais pouvoir mieux vous en parler parce que quand même, les occasions sont plus ou moins rares de pouvoir assister à une telle chose en tant que concert en soi. Ouais. Alors voilà, c'est vraiment pas un moment crowdien, genre oh, c'est pour s'aimer l'affaire, mais on voyait l'appréciation des spectateurs et surtout c'était un moment technique, oui, mais aussi un moment spectaculaire. Je veux dire, même si je m'y connais pas, même si je suis pas une musicienne, j'ai assisté à quelque chose de très beau, pas juste technique. Ça avait une intensité, ça avait de la variété, c'était intéressant et surtout, on le voit qu'ils se donnent, ces gars-là. Fait que c'est aussi ça qui est le fun. Alors, voilà. Ils se donnent, mais encore une fois, ils sont pas énervés sur scène, mais ils sont attentifs à leur travail. Puis c'est ça qui est beau aussi à voir. Alors, voilà. Je vous le souhaite. J'espère qu'ils vont en refaire d'autres. Pas trop souvent, pas qu'on soit habitués. Mais juste assez pour le plaisir. Et ça, y a rien à enregistrer. Fait qu'on passera pas à un de ces solos. Par contre, c'est bien l'occasion d'écouter du Voivod, corps étranger sur les ondes de CISM. We'll be right back. Voivode sur les ondes de CISM. Ça fait toujours plaisir d'en entendre. Et vous avez entendu, corps étranger. Ah, à toi, oreille attentive et habituée de l'émission. Ben oui, suggestion de spectacle, je vais en faire, même si, même si j'oublie de mentionner tous les spectacles intéressants de Montréal. La preuve, voilà un spectacle, Disquiet, que je vous avais pas suggéré, puis j'y étais et c'était merveilleux, merveilleux. Ben écoute, on manquera pas pendant tout les Francofolies, ça commence demain. Et qui ouvre, parce qu'il commence à 5 heures et c'est le premier spectacle du festival? Ben oui, c'est Frank Cousteau. Fait qu'on s'en va en entendre drette là avec la chanson Hier. Hier, j'ai bu comme un colliste trou. C'est passé des choses qui se passent juste quand on est sous. C'est passé des choses que je dirais pas à ma mère. Faudrait pas que je raconte ce qui s'est passé hier. J'ai commencé la soirée le cœur plein d'espoir. J'ai vu plein de belles personnes que j'étais heureux de voir. On a bu des shooters, c'était extraordinaire. Faudrait pas que je raconte ce qui s'est passé hier. L'alcool va toujours rester un très grand mystère. Est-ce qu'on fait des niaiseries ou les choses qu'on doit faire? Ça transforme en épais ou ça rend les choses claires? Faudrait pas que je raconte ce qui s'est passé hier. Wow. Bien parti, je sentais que j'avais tout pour plaire. J'étais en amour, j'ai compris que ça allait pas se faire. J'ai fini en pleurant devant le Charlie par terre. Faudrait pas que je raconte ce qui s'est passé hier. Mon ami David m'a tiré de ma misère. Ils m'ont rappelé que l'amour c'est pas toujours noir. Tout le monde en cœur, les amis, ça compte en six mois. Faudrait pas que je raconte ce qui s'est passé hier. Wow. Fait que ça va s'arrêter là, je vais me taire. Je vais laisser l'erreur être un fait dans mon histoire. J'ai fait le con, je suis complètement le contraire de fier. Faudrait pas que je raconte ce qui s'est passé hier. Le 20 septembre, j'étais Le 20 septembre, mais non, ce n'est pas durant les Franco, ça, par exemple, parce qu'on est au mois de juin. Et j'ai d'autres suggestions à vous faire, mis à part Frank, bien évidemment, qui va être en spectacle demain, vendredi, dehors, c'est gratis. Mais j'ai décidé de vous faire des suggestions, justement, pas dans les Franco, parce que je vais vous en reparler. Et juste, tant qu'à en oublier, je me suis dit, suggérons des spectacles que j'aurais envie de voir, mais qui... il y a bien des chances que j'y sois pas. Comme ce soir, Héliodrone au Bistrot 5-4, vendredi Tintamarre au Catacombes. Samedi, je me mords vraiment beaucoup les doigts parce que c'est mon conventum. Et c'est pas pour ça que je me mords les doigts, c'est parce que le fait que je retourne en Trifluvie fait en sorte que je ne verrai pas Full of Hell. Ah! Oui, en spectacle Full of Hell avec Gate Creeper au Ritz PDB. Renvoyez-moi votre critique de crowd, ça risque d'être fort magique. Dimanche, casse-croûte. Ah ben ça, c'est au Franco, par exemple. Ben ouais, pourquoi pas. Lundi, il y a le lancement de Renard Blanc et je te le partage sur Facebook pour que tu aies le lieu, l'heure et tout. Ça, ça prouve juste que je suis pas à mon affaire puis que je sais pas c'est où en ce moment. Mardi, Gopher, que j'ai vu en même temps que Poop. Ça, c'était à la Vitrola. Non, c'était à la Sala Rossa il y a déjà 2 ans. Et je vous suggère, ça a été dans le palmarès il y a pas si longtemps. Ça se passait à l'ESCO. Et finalement, mercredi, bon, il me semble qu'il y a beaucoup de rock au Franco à ce moment-là. Et alors, les gens pour amateurs de rock seront tiraillés entre aller au Franco ou aller à l'Olympia parce que c'est King Gizzard et Lizard Wizard. On continue en musique. Oh, avec des artistes qui sont aussi au Franco. Pourquoi pas, pourquoi pas? Valérie Vaughan et les Hôtesses d'Hilaire sur les ondes de CISM. dépense au cash, puis je règle mes comptes. Y'a pas de honte, y'a pas de limite, y'a pas de scrupule, des vrais sensus. Manger tout un genre. J'étais dressé, j'ai obéi, j'étais soumis, j'ai même chanté dans mon auto. Le réponse est, la joke finie. Manger tout un champ, manger tout un champ de mal. Come on boys, let's hit it. Qui ont fait de moi une mascotte. À tous ceux qui ont scénarisé mon quotidien. À tous ceux qui ont instrumentalisé ma culture. À tous ceux qui ont créé l'illusion pour les gens de ma patrie qui me sauvaient à coups de vote payant pour m'assurer une semaine de prise dans un concours de vocalise. À tous ceux qui ont persuadé et manipulé des pauvres naïfs à faire des levées de fonds en rendant pour me sauver dans cette compétition qui a pour seul but de capitaliser sur la susceptibilité de ses auditeurs. À tous ceux qui mangent tout un champ de mal. Les hôtesses d'hilaire sur les ondes de CISM avec la chanson. Mais mon Dieu, la foule vient. La foule et surtout Serge vient d'envahir les studios de CISM. Alors voilà, vous avez entendu et jamais fini d'entendre Manger dans tout un char qui se retrouve sur l'album Viens avec moi, Opéra Rock, qu'on aura l'occasion de voir cet automne. Et sinon, vous avez entendu Valérie Vonne avec Toi et moi, ça donne des petits cœurs puis la mort. Et pour d'autres chansons tout aussi rock et tout aussi sympathiques et tout aussi variées, parce qu'il n'y a pas juste du rock dans le palmarès, CISM893.ca, l'application et plein d'autres moyens que je te laisse découvrir. T'écoutes toujours Critique de Crowd. Qui, ben oui, sort du spectacle de Disquiet Army et Away. Et Montréal est tout bloqué par le tour de la nuit. Et c'est bien agréable que les rues soient barrées. C'est le fun parce qu'on peut marcher dans la rue. Oui, ça, c'est les petits plaisirs de la vie. Et en plus, il y avait les ventes trottoirs printanières de l'avenue Mont-Royal. Fait que c'était doublement barré. Ben pas plus, mais pour deux fois plus d'occasions. Et deux fois plus d'occasions qu'il y avait plein de policiers. Pour de vrai, moi, ça m'a un petit peu perturbé. Tu sais, je sors du spectacle, puis je me dis, voyons, il est arrivé un accident. Quel malheur. Pourquoi sont-ils aussi présents? Ben non, non, c'est juste parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités dans la métropole. Alors, je marche. Et je me demande à quelle vitesse je marchais. Je me demande si c'est le fait que les rues étaient barrées qui fait que Je me suis pas arrêtée à certains feux, à certains stops, parce que oui, je suis une piétonne responsable. Et ouais, l'heure de partir aussi du spectacle, c'est le temps de dire bye-bye au monde ou de s'enfuir en sauvage. Je sais pas, tu sais, comme le ce qui fait en sorte les coefficients de hasard. Parce que voilà, premier hasard, je rencontre des gens et ça me permet d'être en fort bonne compagnie durant Disquiet. Mais ça se termine pas là. Le hasard fait en sorte que je recroise des personnes que je connais puis je suis comme, hey, vous êtes ben cute! Déjà, ils habitent pas en ville, et en ville, ils habitent à Joliette. Qu'est-ce que je vous fais de cette? Oh, mais on est là pour le Festival de poésie! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je pensais que j'allais me coucher et que cette soirée était terminée. Mais non! Non! Alors, on continue. Voilà la fête, voilà l'amusement, ça se poursuit. Et c'est là aussi que je me dis, mais qu'est-ce que le hasard? Est-ce que c'est du hasard, ça? Ben oui, ça, c'était pas prévu. Et là, c'est le moment surtout que je suis allée chercher dans le dictionnaire. Alors, attention, crowd, on sort... on sort sur la rousse. Fait qu'il y a beaucoup trop de définitions de hasard, je tiens à te le dire, parce que... Ben, ça va dépendamment de l'expression, parce que des fois, ça a rapport au jeu, comme le jeu du hasard. Mais hasard, là, comme en vieille définition, t'as vieux risque, circonstance périlleuse. Moi, je n'accepte pas cette définition. Sinon, t'as ensuite des cas, des événements fortuits, concours de circonstances inattendues, inexplicables. Ah, quel hasard! Ça, c'est intéressant. Bon, mais j'accorde. Ça se rapproche à ce que j'ai vécu. Au hasard, à l'aventure, n'importe où. Ah, ah, intéressant, encore une fois, au hasard, et pas juste hasard, ou comme un hasard. Sans réflexion, sans choix, ni règle. Ni règle, ça aussi, ça peut être intéressant. Sans règle, YOLO! Fait que peut-être qu'on se rapproche un peu, mais je crois surtout que je suis plus proche de par hasard, accidentellement, fortuitement. Accidentellement, c'est plutôt négatif, un accident. Mais fortuitement, ah ouais, on est proche de la réalité du hasard vécu de croiser des gens un peu comme ça. On a des intérêts communs, tu sais, le hasard, tu sais, où on se connaît, tu sais, si on s'était pas connus, j'aurais poursuivi mon chemin, j'aurais fait dodo, là, fait que... c'est, en tout cas, pour moi, ça me fascine encore cette notion floue, le temps qu'on accorde pour juste les parcours des gens et la vitesse de marche. Fait qu'on décide, dans notre mode bien festif et YOLO, d'aller à l'Escaut. Parce que c'est beau. Et ce soir-là, ça a donné très bien. C'était le lancement de Breathless, groupe qui s'appelle Tunkska Mammoth. Ouais, j'ai pris mon temps parce que déjà, je savais que j'allais les débaptiser. C'est un merveilleux groupe de Stoner Sludge. Un rock bien pesant et bien lourd pour la pression atmosphérique de l'Escaut. Il faisait chaud! Hey boy! Sérieux? Sérieux, on était comme au sauna! Puis avec la musique, c'était encore plus alourdissant, mais je trouve ça intéressant, le rapport température interne de l'Escaut et la musique. Et sinon, ben, il y avait aussi un spectacle de Death Wheelers qui font comme du Doom de Biker, je trouve. Puis Loch Ness, qui font dans le Doom aquatique parce qu'il faut que ça fitte avec le nom du band. Et... mais oui, je les ai manqués parce qu'on a vraiment vu juste les dernières chansons de Tunkska. Pis ouais, j'ai vraiment aimé ça. Déjà, c'était le fun d'arriver. J'avoue que, tu sais, on fait jamais ça dans la vie, se dire « Hey, j'ai envie de me pointer aux dernières chansons, juste tenter l'ambiance du groupe. » Parce que c'est comme le point culminant de la soirée. Soit tout le monde est fatigué parce qu'ils se sont trop donnés, soit c'est l'intensité, là. Le monde sont réchauffés, le monde sont dedans, sont heureux, yeah! Fait, il y avait pas mal de ça, ce soir-là, à l'Escaut pour le lancement. Puis, la chaleur, déjà, en partant, faisant en sorte que le ben était en bédaine. Ensuite, je sais pas, je trouvais que tout suintait. Le pit suintait. Puis, il était en même temps, c'est drôle, je trouve qu'il fonctionnait un peu baby-foot. Tu sais, il fonctionnait en ligne. C'était des lignes parallèles. Non, en même temps, au baby-foot, les petits bonhommes, ils se battent pas entre eux autres. Là, mais mettons que tu les imagines avec une certaine flexibilité, ça donnerait le mosh pit durant Tunkska. Oui, je te le promets. Sinon, ben quelques headbangs. Ben oui, un peu stoner style. Il y a un gars qui mettait son genou sur le moniteur. D'habitude, c'est le Ben qui fait ça, mais bon, je trouvais... ça lui donnait, on dirait, un aspect où il se sentait un peu plus inclus parmi le groupe. Et autre petit moment cute... Il y avait une fille juste à côté, devant le pit. Elle était avec son chum, ben visiblement, j'en déduis. Tu sais, quand tu tiens quelqu'un par la taille, c'est rarement ton frère. Fait que tu peux vivre ta vie, ça peut être ton amant, ça peut être bien des choses. Mais je crois que vous aviez une certaine affection, surtout quand vous frenchiez. Mais la fille, je trouvais qu'elle était très libre dans ses mouvements, tout en étant tenue par l'affection de son copain. Fait que elle headbangait, dansait. Puis je trouve ça beau, ce mélange de... t'es en solo un peu dans tes mouvements, dans ta danse, mais tu restes quand même en duo dans ta position dans la crowd. T'sais, ils étaient reliés ensemble de la taille. Mais ouais, un bon rapport solo-duo. Je vous félicite, faites bien ça. Je crois en votre couple. Ouais, continuez comme ça. Si vous vous reconnaissez, écrivez à Critique de Crowd. Je vais vous connaître. Peut-être que vous avez comme... Vous vous êtes connus dans les spectacles. C'est pour ça là, que vous y allez puis vous aimez ça. Ah, l'amour et la musique. Alors voilà, belle expérience. D'où la raison qu'on va aller en écouter. On va aller entendre leur chanson sur leur plus récent album Breakless, Le Vent, sur les ondes de CISM. Vous aurez reconnu Octoplot et la chanson Fear. Je trouvais que ça fitait très bien avec Tonksca Mammoth. Vous devriez faire des shows ensemble. Si vous connaissez pas, là, Critique de Crowd est prêt à vous dater musicalement parlant. Alors, voilà, fin du spectacle, justement, de Tonksca Mammoth. Bon spectacle, mais la soirée n'est pas terminée. Puis, tu vois, j'ai comme une invitation qui me rend mal à l'aise. Quelqu'un dit « Hey, on va à l'after party » parce qu'il y avait quelqu'un qu'on connaissait sur place. Il y avait tant de gentils musiciens sur place. À l'after party du lancement de Lydia Kepinski. Et je vous ai fait la suggestion justement la semaine dernière. J'étais bien au courant que son spectacle était le 1er juin au Centre Phi. Mais je n'y étais pas puisque je suis allée voir Away. Et je me disais « Mais quelle chose étrange d'aller à l'after » d'un show que t'as pas vu. Quelle discussion tu peux avoir avec le monde? C'est comme, ah oui, comment t'as aimé le spectacle? Ah, je sais pas, j'étais pas là, je viens juste boire. Tu sais, c'est pas... ça fait pas très édifiant comme conversation. Fait que là, je me dis, ah non, je sais pas, c'est un peu étrange, mais je suis la vague, je suis les gens, et je fais d'accord, on y va. De toute façon, il y a des amis qui nous attendent. L'affaire, c'est qu'on connaissait pas du tout le bar, puis on retient pas trop la place, et mon sens de l'orientation est plutôt pourri. Et on sort du taxi, je vois de la foule, je me dis « Ah, ça doit être là, Lydia est populaire! » Je m'avance dans cette crowd qui est dehors sur le trottoir, et la foule est complètement éclectique et colorée. Il y a un gars qui est peinturé de la tête aux pieds en métal avec des lentilles. Là, je me suis dit, hey, les fans de Lydia sont bien colorés. En plus, comme je sais pas pourquoi, mais tu sais, le musicien là, de Limp Bizkit qui était tout en noir avec des lentilles, ça me faisait penser à lui. Fait que je me suis dit, Limp Bizkit, Lydia, oh, il y a des ressemblances inattendues, clairement. Fait que dans ma tête, ça roule comme ça, puis on rentre dans un appart où il y a un spectacle dans le sous-sol. C'est drôle parce qu'ils nous ont demandé comme le mot de passe, faisait comme « Vous venez d'où? » On dit « On vient de l'Esco. » Fait que là, ils nous disent « C'est correct, vous pouvez passer. » Alors, je trouve ça, ben oui, on avait le mot de passe, on était de la bonne crowd. Fait que nous autres, on se dit qu'on est surtout à la bonne place. Alors là, on rentre dans ce, bon, dans un appart qui a l'air bien montréalais, là, avec un corridor pis tout. Fait que là, on se rend dans le sous-sol. Un sous-sol pas du tout fini, là. Tu sais, pas de mur, pas de plancher. Il y a surtout une tank à eau chaude vraiment mise en valeur. Il y a une espèce de racoing avec un drum perdu. Puis là, maintenant, c'était rendu. Le spectacle était fini. Fait que c'était surtout un DJ set. Fait qu'une table, un laptop. Et on se dirige au bar. Oh, le bar qui est surtout une table avec une nappe, des verres épars et surtout un gros litre de soda. Puis random, il y a un gars qui est allé boire une gorgée direct dedans. J'étais c'est le fun pour l'hygiène. Heureusement, je suis pas dédaigneuse. Mais non, à la place, le barman nous suggère un beau spécial, 3$ à la bière. Et la fille juste à côté, elle a fait « Hey, vous êtes 3, on a un spécial pour vous autres, 3 pour 10! » J'ai compris que cette crowd était coquine, était taquine. Et ça a été un drôle de moment et un beau moment, ben surtout parce que, ben oui, on n'était pas pantoute à bonne place. Fait qu'on est en train de chercher notre ami, puis on est comme, hey, on est à côté du bord, on est en train de commander. Comme, ben moi aussi, je suis au bord, je vous vois pas. Puis là, on est comme, OK, le sous-sol est beaucoup trop petit pour qu'on te voit pas. Fait qu'on est comme, ben voyons, c'est bien étrange qu'il soit pas là, puis il y a peut-être deux bords, tu sais, dans l'appart. Bonjour, le quiproquo. Mais par contre, je peux vous faire très rapidement une critique de crowd du DJ. Ah oui, il était comme funk DJ, disco, un peu électro. C'était quand même varié, mais je trouvais ça triste qu'il suivait pas la vibe de la crowd. Il y a eu une toune, ah, ça levait, puis moi aussi je dansais, puis j'étais bien heureuse de danser avec la tinte à eau chaude. Mais après ça, il y a comme plus de momentum, le monde boum, se dispersait, puis lui, il continuait la musique. Et tu sais, des fois, une toune de 4 minutes, c'est longtemps là, quand ça punk pas. Fait que j'ai trouvé ça un peu triste. Mais autrement, peut-être qu'ils étaient plus... peut-être moins dansants et plus attentifs pour Sick et Pottery, qui était en spectacle ce soir-là dans ce sous-sol, que je ne me rappelle plus de l'adresse. Si vous savez de l'endroit que je parle, parce que c'est comme le lieu fort de l'underground, ce sous-sol, écrivez à Critique de Crowd, ça va me faire extrêmement plaisir d'avoir davantage d'informations. Et qui sait d'y retourner? Fait que ouais, c'est en jasant justement, le monde est petit, c'est un ancien animateur de CISM sur place qui m'a appris que c'était Sick et Pottery qui justement avait été en première partie de Parc Éco au Théâtre Fin du Monde, puis il me dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « Ben, je suis à l'after party de Lydia Kepinski. » pas toi? Il est comme, non, tu comprends pas, Jolaine, il y a comme une personne sur 10, c'est ça, qui sait c'est qui Lydia. J'ai dit, oh mon Dieu, on est tellement pas à la bonne place! Mais on a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, on a dansé, on s'est amusé et on est parti, ben oui, comme ça. Alors, pour cette raison, on s'en va écouter Lydia Kipinski, mais pour montrer à quel point je suis perdue, on va pas aller écouter des chansons de son plus récent album, 1er juin. On s'en va écouter son EP. Passez de même à Critique de Crowd. Comme le soleil, si tu lèves trop tôt, sans sommeil, comme les corbeaux, tu cries dans le ciel des phrases sans mots, comme toujours je pars, mais comme tu me pardonnes, me mettras-tu au clou, au fond du caniveau, ou juste à part, suis-je Kipinski sur les ondes de CISM. Et voilà déjà la fin de Critique de Crowd. Ben oui, cette critique dans ce sous-sol se terminera, ben oui, comme tout le monde partait de sous-sol, ben avec la police. Ben oui, plein de bruit. Alors, pour cette raison, on va aller écouter Police Control et Miss France et leur chanson Des flics, des fafs. Mais surtout, je vous remercie, Crowd, toi, auditeur de la marge, d'être toi, t'es si sympathique, t'es si à l'écoute parce que t'écoutes bien la radio. Pour toute suggestion, amour, suggestion, les internets, c'est pratique pour ça. Sur ce, ben, je vous souhaite beaucoup de plaisir et on se revoit la semaine prochaine pour toujours plus de Critique de Crowd. Ça suffit comme ça. Soulever des montagnes d'inertie.